Chapitre 2. Voici comme ils s'étaient connus. 4 ans plus tôt, Paul, revenant des Pyrénées vers le milieu de l'automne, s'était attardé plus que de raison au buffet de Bordeaux. Tout d'un coup, on vint lui dire que le train partait, emportant ses bagages, son sac, ses couvertures et jusqu'à son chapeau, laissé prudemment comme preuve d'occupation légitime de sa part du territoire de la banquette. Menacé d'une des catastrophes les plus fâcheuses qui puissent atteindre un voyageur distrait, Chérency ne fit qu'un bond hors de la salle, franchir une muraille de wagons vides malicieusement arrêtés devant lui, éviter avec l'adresse d'un toréador l'attaque d'une locomotive en manœuvre, terrasser un facteur à cheval sur le règlement, se suspendre à la poignée d'une voiture glissant déjà sur les rails, ce fut pour lui l'affaire de 20 secondes. Il ouvrit la portière du compartiment, trébucha dans un amas de jupes et tomba, plus qu'il ne s'assit, dans le seul coin vide. Alors, tout en soufflant un peu, il s'occupa de passer en revue ses 3 compagnons qui étaient 3 compagnes. « Mon Dieu » s'écria-t-il avec l'accent d'une terreur qui n'était pas feinte, « serais-je dans le wagon des dames seules ?» 2 des voyageuses, la mère et la fille, le rassuraient à la fois par 2 syllabes prononcées d'un air de bonne humeur assez commun chez les Anglaises quand ils voyagent sans l'ennuyeuse société de leurs hommes. « Oh, non !» La 3e ne dit rien, et même, on pouvait croire qu'elle ne s'était point aperçue de l'entrée de ce projectile humain. La tête hors de la voiture, les yeux fixés dans la direction du quai qui fuyait en arrière, elle envoyait de petits baisers discrets à un être invisible. Bientôt, le train ayant quitté la gare, elle s'assit à sa place résignée et plongea plusieurs fois son visage voilé dans un superbe bouquet de roses. Chérency la trouva plutôt insignifiante. Elle était enveloppée d'un cache-poussière de soie jaunâtre, ornée de rubans marrons, et ses gants étaient de la même couleur bourgeoise. Ajoutez qu'ils atteignaient à peine le chiffre de boutons qui est le tempéré du thermomètre de l'élégance. Enfin, même sans avoir les yeux de Paul, c'est-à-dire les yeux d'un peintre renommé pour son goût, on pouvait juger que les roses du bouquet de la dame valaient mieux que les roses de son chapeau lequel, en somme, lui allait fort mal. Avec tout cela, pensait le voyageur fourvoyé, je ressemble à un oiseau tombé du nid. Pas un journal, pas un livre et surtout pas un cigare. D'ailleurs, que ferais-je d'un cigare dans ce gynécée? Heureusement qu'à Libourne, je retrouverai ma maison roulante, mon mobilier et tous mes droits d'homme libre. Pour s'occuper pendant ces 40 minutes, il étudia sa voisine d'en face. Allons bon, voilà qu'elle pleure maintenant. Qui diable est-ce donc qu'elle quitte? Un mari? Le mari serait venu à la portière, et d'ailleurs, un mari ne donne point des fleurs si belles. Quand je disais, la voilà qui bécote ses roses. Eh, madame, je me prive de fumer devant vous. Ne feriez-vous pas bien de me rendre ma politesse? Qui vous dit que je ne crains pas l'odeur de l'amour chez les autres? Peste soit de la pleurnicheuse. Me voilà dans le noir pour jusqu'à demain. Il faut dire que, précisément, Chérency venait de courir les montagnes afin de secouer l'amertume d'une trahison féminine arrivée plus tôt qu'il ne devait raisonnablement s'y attendre. La blessure était guérie, car elle avait été d'une profondeur médiocre. Mais la douleur passée, le vide apparaissait. Plus personne à qui donner des roses, plus personne qui eût du chagrin à quitter, plus de ces embarquements qui brisent le cœur auxquels on assiste, caché dans un coin, mordant sa moustache, sans avoir l'air de connaître celle qui part. Lui aussi, jadis, avait recueilli de ces baisers qui arrivent invisibles à leur adresse, de ces larmes qui coulent mystérieusement, larmes qui désolent, mais qui rendent si heureux et si fiers. Lui aussi avait aimé. En ce moment, Paul fit la découverte suivante, qui le découragea beaucoup et le rendit d'humeur massacrante. C'est que, pour une nature idéale et tendre, l'absence d'amour est plus lourde à porter que toutes les souffrances dont l'amour est cause. C'était bien la peine d'avoir serré les poings de rage, d'avoir maudit, d'avoir connu le suprême élancement de la dernière fibre tranchée, d'avoir demandé l'oubli à la fatigue des marches, à la sueur des ascensions, à la pluie glacée des cimes. C'était bien la peine d'avoir traversé cette crise pour se sentir frappé d'un trait d'envie et de regret à la vue d'une larme tombant des yeux d'une inconnue. Alors il fit appel à son bon sens, à sa rancune mal effacée, à l'expérience qu'il avait des femmes. Qu'est-ce qu'il a donc trouvé de séduisant dans celle-ci? Jolie, elle ne l'est pas. Élégante non plus. Amusante, pas trop, je pense. Vicieuse, encore moins. Elle a bon cœur. Parbleu, elles ont toutes bon cœur, pendant quelque temps. Si je voulais m'en donner la peine, madame, vous seriez trois fois infidèle. Par le regard, avant une demi-heure d'ici. Comme il n'avait rien de mieux à faire, il se donna cette peine, mais ce fut du temps perdu. Le train longeait la rive de la Gironde, marbrée d'immenses plaques d'or foncées par un coucher de soleil admirable. Déjà, les clochers de Bordeaux et les mâts du port s'enfonçaient au loin dans une brume violette. Quelques navires à voile, se laissant dériver au jusant, paraissaient autant de barques à côté d'un transatlantique monstrueux qui les balayait dans sa traîne de fumée noire. C'était sur ce colosse qu'étaient rivés les yeux de l'inconnu, toujours mouillés de larmes, et Paul eût été bien surpris s'il avait pu deviner quel souvenir remuait dans l'âme de sa voisine la vue de ce paquebot gagnant le large. Par un coup d'aile brusque, l'express quitta le fleuve et se plongea dans une campagne banale et sans poésie. Alors, avec un gros soupir, sans s'apercevoir qu'elle avait un vis-à-vis, l'inconnu sécha ses yeux, donna congé à son chagrin ou à son rêve, et s'accommoda pour dormir. Oh, métamorphose soudaine! Quand elle eut enlevé le disgracieux chapeau qui cachait trop une admirable chevelure blonde, quand elle eut jeté sur cet or une dentelle noire nouée à la diable sous le menton, cette femme parut subitement jeune, élégante, jolie. D'un seul mot, nos arrière-grands-pères l'eussent dépeinte en disant qu'elle était touchante. Chérency ne la quittait pas des yeux, et pour l'instant regrettait moins son étui à cigare que son crayon et son album. Ce fut bien autre chose quand elle s'étendit sur les coussins, après avoir remercié d'un regard enfin et de deux mots prononcés d'une voix singulièrement douce, l'obligeant voisin qui venait de la débarrasser d'un lourd nécessaire. Elle s'était allongée sans pruderie niaise, d'un seul mouvement d'une harmonie parfaite, révélant une souplesse féline. Le peintre admira qu'elle eût pris d'instinct la pose la plus gracieuse, précisément celle qu'il aurait choisie pour elle, profil un peu fuyant, tête abandonnée, bras très lâches et comme fatigués entourant le bouquet de roses. Et peu après, ainsi qu'un enfant lassé et consolé tout à la fois par ses larmes, elle s'endormit, les lèvres disjointes en un demi-sourire. Mais ses lèvres rouges, épanouies, savoureuses, n'avaient rien de la bouche d'un enfant. Immobile dans son coin comme un spectateur bien placé pour jouir de la mise en scène, Paul ne se demandait plus ce qu'on pouvait trouver de séduisant dans cette petite femme. Il jouissait en artiste, en homme aussi, du changement à vue, et fort indiscrètement cherchait à se figurer jusqu'où, à certaines heures, la transformation pouvait s'étendre. Cependant, le train ralentissait pour l'arrêt de Libourne. Chérency, qui savait l'anglais, entendit Miss Trois Étoiles dire à sa mère « J'espère bien que ce monsieur va retourner dans son wagon maintenant. » De fait, en n'y retournant pas, il se donnait les apparences d'un sot qui nourrit des espoirs ridicules d'aventure. Et cependant, il était bien décidé à garder sa place. Que faire ? Il tourna la difficulté en faisant semblant de dormir. Pour un peu, il aurait ronflé le lâche. Tout homme, en présence d'une femme qui l'occupe, devient plus ou moins faible, ridicule et petit. Lecteur, qui n'avait point connu le plaisir de ces douces lâchetés, mon héros attend de vous la première pierre. On était au milieu de la nuit. Les deux Anglaises, dans des poses rigidement austères, bravaient stoïquement la courbature et les inconvénients de toutes sortes résultant du voisinage d'un compagnon mâle. À chaque arrêt du train, Paul avait eu le plaisir de s'entendre vouer aux dieux infernaux dans la langue de Shakespeare, avec des commentaires malveillants. Mais il avait moins envie que jamais de quitter la place d'où il pouvait admirer l'effet idéal d'un rayon de lune, baignant le haut du corps de la jeune femme endormie. Contemplation étrange, accompagnée de cette fièvre de l'insomnie qui exagère les impressions et de l'excitation des nerfs fouettée par une course rapide. À certains moments, il croyait voir le front pur, les bandeaux dorés, les yeux chastement clos d'une belle sainte endormie sur un vitrail gothique. D'autres fois, avec la tache pourpre de ses lèvres souriantes, elle semblait une Diane amoureuse, feignant elle aussi d'être endormie pour ôter toute crainte à un endymion timide. Ainsi, les longues heures se passèrent. Souvent, la dormeuse revenait à elle, trouvant toujours Paul sur le qui-vive, prêt, sans qu'elle eût besoin de parler, à relever la glace, à tirer le rideau de la lampe, à jeter un châle sur les petits pieds refroidis par la nuit trop fraîche. Elle lui disait un simple merci, et pour entendre ce seul mot prononcé d'une voix molle, Chérency eût jeté les deux Anglaises par la portière. À Brétigny, le jour vint. L'inconnu s'éveilla, remit en ordre son bouquet, s'aperçut qu'une rose rouge, la plus belle de toutes, manquait à l'appel, et la cherchait des yeux sur le tapis. À voir l'empressement fallacieux de Paul à aider sa recherche, elle comprit où avait passé la rose, et immédiatement sa contenance, déjà réservée, devint marmoréenne. Paul, bien réveillé, c'est-à-dire revenu de ses divagations nocturnes, glacé d'ailleurs par le froid du matin, sans chapeau, sans l'ombre d'une brosse, absolument certain d'avoir été ridicule et jugé comme tel, en voulait à tout le monde, à commencer par lui. D'ailleurs, la dame en rose avait remis son chapeau et n'était plus jolie. Le songe d'une nuit d'été finissait par un rhume de cerveau. Paul avait comploté durant toute la nuit mille manœuvres savantes de détective pour l'arrivée. Il n'en exécuta aucune, et sautant à terre dès l'arrêt du train, il courut au compartiment où il était monté la veille à Pierrefitte. Aussi bien, parmi ses compagnons qu'il ne connaissait pas, pouvait se trouver un amateur du bien d'autrui. Bref, il prit congé, par un simple salut, de la jeune sainte endormie et de la Diane en rupture d'Olympe qu'il dévorait des yeux 3 heures auparavant. Mais comme il fallait que sa mauvaise humeur se passât sur quelqu'un, il dit à Miss 3 étoiles dans le plus irréprochable anglais « Pardonnez-moi la gêne qu'a pu vous causer ma présence, votre serviteur très humble, mademoiselle. » Rentré dans son appartement de la rue de l'Arcade, Paul se coucha, dormit jusqu'à 11 heures, prit un bain, et tandis qu'on préparait son déjeuner, il se mit en devoir de classer le monceau d'objets qu'il avait tiré de ses poches. Une rose rouge, qui n'avait pas été cueillie pour lui, vint rappeler à sa mémoire ses exploits de la nuit précédente. « Parbleu, pensa-t-il en se frappant le front, je tiens le sujet d'une de mes toiles pour le salon de l'année prochaine. »